Deuxième journée, chapitre 5. Vers 11 heures du soir, laissant M. de Guersin dans sa chambre de l'hôtel des Apparitions, Pierre eut l'idée de retourner un instant à l'hôpital de Notre-Dame-des-Douleurs, avant de se coucher lui-même. Il avait quitté Marie si désespérée, muette d'un si farouche silence, qu'il était plein d'inquiétude. Et dès qu'il eut fait demander Madame de Jonquière, à la porte de la salle Sainte-Honorine, il s'inquiéta davantage, car les nouvelles n'étaient pas bonnes. La directrice lui apprit que la jeune fille n'avait toujours pas desserré les lèvres, ne répondant à personne, refusant même de manger. Aussi voulut-elle absolument que Pierre entrât. Les salles de femmes étaient interdites aux hommes la nuit, mais un prêtre n'est pas un homme. « Elle n'aime que vous, elle n'écoutera que vous. Je vous en prie, entrez vous asseoir près de son lit et attendez l'abbé Judaine. Il doit venir vers 1 heure du matin, donner la communion aux plus malades, à celles qui ne peuvent bouger et qui mangent dès le jour. Vous l'assisterez. » Pierre alors suivit Madame de Jonquière, et elle l'installa au chevet de Marie. « Cher enfant, je vous amène quelqu'un qui vous aime bien. N'est-ce pas, vous allez causer et être raisonnable. » Mais la malade, en reconnaissant Pierre, le regardait de son air de souffrance exaspéré, le visage noir et dur de révolte. « Voulez-vous qu'il vous fasse une lecture ? Une de ces belles lectures qui soulagent, comme il nous en a fait une dans le wagon ? Non, cela ne vous amuserait pas, vous n'y avez pas le cœur. Eh bien, nous verrons plus tard. Je vous laisse avec lui. Je suis convaincue que vous serez très gentille dans un instant. » Vainement, Pierre lui parla à voix basse, lui dit tout ce que sa tendresse trouvait de bon et de caressant, en la suppliant de ne pas se laisser ainsi tomber au désespoir. Si la Sainte Vierge ne l'avait pas guérie le premier jour, c'était qu'elle la réservait pour quelque miracle éclatant. Mais elle avait détourné la tête, elle ne semblait même plus l'écouter, la bouche amère et violente, les yeux irrités, perdus dans le vide. Et il dut se taire. Il regarda la salle autour de lui. C'était un spectacle affreux. Jamais son cœur ne s'était soulevé dans une telle nausée de pitié et de terreur. On avait dîné depuis longtemps. Des portions montées de la cuisine traînaient encore sur les draps. Et jusqu'au petit jour, il y en avait ainsi qui mangeaient, tandis que d'autres geignaient, suppliant qu'on les retournât ou qu'on les posât sur le vase. À mesure que la nuit s'avançait, une sorte de vague délire les envahissait toutes. Très peu dormaient tranquilles, quelques-unes déshabillées sous les couvertures, le plus grand nombre simplement allongées sur les lits, si difficiles à dévêtir qu'elles ne changeaient même pas de linge pendant les 5 jours du pèlerinage. Et l'encombrement de la salle, dans les demi-ténèbres, semblait s'être aggravé. Les 15 lits rangés le long des murs, les 7 matelas qui emplissaient l'allée centrale, d'autres qu'on venait d'ajouter, un entassement de loques sans nom, parmi lequel s'écroulaient les bagages, les vieux paniers, les caisses, les valises. On ne savait plus où mettre le pied. 2 lanternes fumeuses éclairaient à peine ce campement de moribonds. Et l'odeur, surtout, devenait épouvantable, malgré les 2 fenêtres entr'ouvertes par où n'entrait que la lourde chaleur de la nuit d'août. Des ombres, des cris de cauchemar passaient, peuplaient cet enfer, dans l'agonie nocturne de tant de souffrances. Cependant, Pierre reconnut Raymonde, qui, son service fini, avait voulu embrasser sa mère, avant de monter se coucher dans une des mansardes réservées aux sœurs. Madame de Jonquière, elle, prenant à cœur sa fonction de directrice, ne fermait pas les yeux des 3 nuits. Elle avait bien un fauteuil pour s'y allonger, mais elle ne pouvait s'y asseoir un instant sans être dérangée tout de suite. Du reste, elle était vaillamment secondée par la petite Madame des Agneaux, d'un zèle si exalté que sœur Hyacinthe lui avait dit en souriant « Pourquoi ne vous faites-vous pas religieuse ?» Et elle avait répondu d'un air de surprise effarée « Mais je ne peux pas, je suis mariée et j'adore mon mari. » Madame Wolmar n'avait pas reparu. On racontait qu'elle s'était couchée, tellement elle souffrait d'une atroce migraine, ce qui faisait dire à Madame des Agneaux qu'on ne venait pas soigner les malades quand on n'était pas soi-même plus solide. Pourtant, elle finissait par avoir les jambes et les bras cassés, sans vouloir en convenir, accourant à la moindre plainte, toujours prête à donner un coup de main. Elle, qui, dans son appartement à Paris, aurait sonné un domestique plutôt que de déranger un flambeau de place, promenait les vases et les cuvettes, vidait les bassins, soulevait les malades, tandis que Madame de Jonquière leur glissait des oreillers derrière le dos. Mais, comme 11 heures sonnait, elle fut foudroyée. Ayant eu l'imprudence de s'allonger un instant dans le fauteuil, elle s'endormit sur place, sa jolie tête roulée sur une épaule, au milieu de l'ébouriffement de ses adorables cheveux blonds. Et ni les plaintes, ni les appels, aucun bruit ne la réveilla plus. Doucement, Madame de Jonquière était revenue dire au jeune prêtre « J'avais bien l'idée d'envoyer chercher Monsieur Ferrand, vous savez, l'interne qui nous accompagne. Il aurait donné à la pauvre demoiselle quelque chose pour la calmer. Seulement, il est occupé en bas, dans la salle des ménages, près du frère Isidore. Et puis, nous ne soignons pas ici. Nous ne venons que pour remettre nos chers malades entre les mains de la Sainte Vierge. » Sœur Hyacinthe, qui passait la nuit avec la directrice, s'approcha. « Je remonte de la salle des ménages, où j'avais promis de porter des oranges à Monsieur Sabatier. Et j'ai vu Monsieur Ferrand, qui a ranimé le frère Isidore. Voulez-vous que je redescende le chercher ?» Mais Pierre s'y opposa. « Non, non, Marie va être raisonnable. Tout à l'heure, je lui lirai quelques belles pages, et elle se reposera. » Marie resta muette encore, obstinée. L'une des deux lanternes se trouvait là, contre le mur, et Pierre voyait très nettement sa face mince, immobile. Puis, à droite, dans le lit suivant, il apercevait la tête d'Élise Rouquet, profondément endormie, sans fichu, avec sa face de monstre en l'air, dont l'horrible plaie continuait pourtant à pâlir. Et à sa gauche, il avait Madame Vêtue, épuisée, condamnée, qui ne pouvait s'assoupir, secouée d'un continuel frisson. Il lui dit quelques bonnes paroles, elle le remercia. Elle ajouta faiblement « Il y a eu plusieurs guérisons aujourd'hui, j'en ai été très contente. » La grivotte, en effet, couchée sur un matelas, au pied même du lit, ne cessait de se relever, dans une fièvre d'activité extraordinaire, pour répéter sa phrase à tout venant. « Je suis guérie! Je suis guérie !» Et elle racontait qu'elle avait dévoré la moitié d'un poulet, elle qui ne mangeait plus depuis des mois. Puis, pendant près de 2 heures, elle avait suivi à pied la procession au flambeau. Elle aurait dansé sûrement jusqu'au jour si la Sainte Vierge avait donné un bal. « Je suis guérie, oh guérie, tout à fait guérie !» Alors, avec une sérénité enfantine, une souriante et parfaite abnégation, Madame Vêtue put dire encore « La Sainte Vierge a eu raison de la guérir, celle-là qui est pauvre. Ça me fait plus de plaisir que si c'était moi, parce que j'ai ma petite boutique d'horlogerie et que je puis attendre. Chacune son tour, chacune son tour. » Presque toutes montraient cette charité, cet incroyable bonheur de la guérison des autres. Elles étaient rarement jalouses. Elles cédaient à une sorte d'épidémie heureuse, à l'espoir contagieux d'être guéri le lendemain, si la Sainte Vierge le voulait. Il ne fallait pas la mécontenter, se montrer trop impatiente, car elle avait sûrement son idée, elle savait pourquoi elle commençait par celle-ci plutôt que par celle-là. Aussi, les malades les plus gravement atteintes priaient-elles pour leurs voisines, dans cette fraternité de la souffrance et de l'espoir. Chaque miracle nouveau était un gage du miracle prochain. Leur foi renaissait toujours, inébranlable. On racontait l'histoire d'une fille de ferme, paralytique, qui avait marché à la grotte avec une force de volonté extraordinaire. Puis, à l'hôpital, elle s'était fait redescendre, voulant retourner au pied de Notre-Dame de Lourdes. Mais, dès la moitié du chemin, elle avait chancelé, haletante, livide. Et, rapportée sur un brancard, elle était morte. « Guérie !» disaient ses voisines de salle. Chacune son tour. La Sainte Vierge n'oubliait aucune de ses filles aimées. À moins que son dessein ne fût d'octroyer le paradis à une élue, tout de suite. Brusquement, au moment où Pierre se penchait vers elle pour lui offrir de nouveau une lecture, Marie éclata en furieux sanglots. Elle avait abattu sa tête sur l'épaule de son amie. Elle disait sa colère d'une voix basse, terrible, au milieu des ombres vagues de l'effroyable salle. C'était, chez elle, comme il arrivait rarement, une perte de la foi, un manque soudain de courage, toute une révolte de l'être souffrant qui ne pouvait plus attendre. Et elle en arrivait au sacrilège. « Non, non, elle est méchante, elle est injuste. J'étais si certaine qu'elle m'exaucerait aujourd'hui, et je l'avais tant priée. Jamais je ne guérirai, maintenant que cette première journée va finir. C'était un samedi, j'étais convaincue qu'elle me guérirait un samedi. Oh, Pierre, je ne voulais plus parler, empêchez-moi de parler, parce que mon cœur est trop gros et que j'en dirai trop long. » Vivement, il lui avait saisi la tête d'une étreinte fraternelle. Il tâchait d'étouffer le cri de sa rébellion. « Marie, taisez-vous, il ne faut pas qu'on vous entende. Vous, si pieuse, voulez-vous donc scandaliser toutes les âmes ?» Mais elle ne pouvait se taire malgré son effort. « J'étoufferai, il faut que je parle. Je ne l'aime plus, je ne crois plus en elle. Ce sont des mensonges, tout ce qu'on raconte ici. Il n'y a rien, elle n'existe même pas, puisqu'elle n'entend pas quand on l'appelle et qu'on pleure. Si vous saviez tout ce que je lui ai dit. C'est fini, Pierre, je veux m'en aller, à l'instant. Emmenez-moi, emportez-moi, pour que j'achève de mourir dans la rue, ou du moins les passants auront pitié de ma souffrance. » Elle s'affaiblissait. Elle était retombée sur le dos, bégayante, puérile. « Et puis, personne ne m'aime. Mon père lui-même n'était pas là. Vous, mon pauvre ami, vous m'aviez abandonné. Quand j'ai vu que c'était un autre qui me menait à la piscine, je me suis sentie au cœur un grand froid. Oui, ce froid du doute que j'ai souvent éprouvé à Paris. Et la chose est certaine, c'est que j'ai douté si elle ne m'a pas guérie. J'aurais mal prié, je ne suis pas assez sainte. » Déjà, elle ne blasphémait plus. Elle trouvait des excuses au ciel. Mais son visage restait violent dans cette lutte contre la puissance supérieure, tant aimée et tant suppliée, qui ne lui avait pas obéi. Lorsque parfois un coup de rage passait et qu'il y avait de la sorte des révoltes dans les lits, des désespoirs et des sanglots, des jurons même, les dames hospitalières et les sœurs, un peu effarouchées, se contentaient de tirer les rideaux. La grâce s'était retirée, il fallait attendre qu'elle revînt. Et tout s'apaisait, se mourait après des heures, au milieu du grand silence lamentable. « Calmez-vous, calmez-vous, je vous en conjure !» répétait Pierre très doucement à Marie, en voyant qu'une autre crise la prenait, celle du doute de soi-même, de la crainte de n'être pas digne. Sœur Hyacinthe s'était approchée de nouveau. « Vous ne pourrez pas communier tout à l'heure, ma chère enfant, si vous vous entretenez dans un état pareil. Voyons, puisque nous autorisons monsieur l'abbé à vous faire une lecture, pourquoi n'acceptez-vous pas ?» Elle eut un geste fatigué, disant qu'elle acceptait, et Pierre s'empressa de prendre dans la valise, au pied du lit, le petit livre à couverture bleue, où était contée naïvement l'histoire de Bernadette. Mais, comme la nuit précédente, pendant que le train roulait, il ne s'en tint pas au texte écourté de la brochure. Il improvisa. Tandis que le raisonneur, l'analyste, au fond de lui, ne pouvait se défendre de rétablir la vérité, refaisait humaine cette légende dont le continuel prodige aidait à la guérison des malades. Bientôt, de tous les matelas voisins, des femmes se soulevèrent voulant connaître la suite de l'histoire, car l'attente passionnée de la communion les empêchait presque toutes de dormir. Alors, sous la lueur pâle de la lanterne pendue au mur, au-dessus de lui, Pierre haussa peu à peu la voix afin d'être entendu de toute la salle. Dès les premiers miracles, les persécutions commencèrent. Bernadette, traitée de menteuse et de folle, fut menacée d'être conduite en prison. L'abbé Péramal, curé de Lourdes, et Monseigneur Laurence, évêque de Tarbes, ainsi que son clergé, restaient à l'écart, attendaient avec la plus grande prudence. Tandis que les autorités civiles, le préfet, le procureur impérial, le maire, le commissaire de police, se livraient contre la religion à des excès de zèle déplorables. Tout en continuant de la sorte, Pierre voyait se lever pour lui seul l'histoire vraie, avec une force invincible. Il revenait un peu en arrière. Il retrouvait Bernadette au moment des premières apparitions, si candide, si adorable d'ignorance et de bonne foi dans sa souffrance. Et elle était la voyante, la sainte, dont le visage, durant la crise d'extase, prenait une expression de surhumaine beauté. Le front rayonnait, les traits semblaient remonter, les yeux se baignaient de lumière, pendant que la bouche, entr'ouverte, brûlait d'amour. Puis, c'était une majesté de sa personne entière, des signes de croix très nobles, très lents, qui avaient l'air d'emplir l'horizon. Les vallées voisines, les villages, les villes ne causaient que de Bernadette. Bien que la Vierge ne se fût pas nommée encore, on la reconnaissait, on disait « C'est elle, c'est la Sainte Vierge !» Le premier jour de marché, il y eut tant de monde que Lourdes déborda. Tous voulaient voir l'enfant béni, l'élu de la Reine des Anges, qui devenait si belle lorsque les cieux s'ouvraient à ses yeux ravis. Chaque matin, la foule augmentait au bord du Gave, et des milliers de personnes finissaient par s'installer là, en se bousculant pour ne rien perdre du spectacle. Dès que Bernadette paraissait, un murmure de ferveur courait. « Voici la Sainte, la Sainte, la Sainte !» On se précipitait, on baisait ses vêtements. C'était le Messie, l'éternel Messie que les peuples attendent, dont le besoin renaît sans cesse au travers des générations. Toujours la même aventure recommençait. Une apparition de la Vierge à une bergère, une voix qui exhortait le monde à la pénitence, une source qui jaillissait, des miracles qui étonnaient et ravissaient les foules accourues, de plus en plus énormes. Ah, ces premiers miracles de Lourdes! Quelle floraison printanière de consolation au cœur des misérables que dévoraient la pauvreté et la maladie! L'œil guéri du vieux Bourriette, l'enfant Bouhor ressuscité dans l'eau glacée, des sourds qui entendaient, des boiteux qui marchaient, et tant d'autres! Blaise Momus, Bernard Soubi, Auguste Borde, Blaisette Soupeine, Benoît de Cazot, sauvés des pires souffrances, devenaient les sujets de conversations sans fin, exaltaient l'espoir de tous ceux qui souffraient dans leur âme ou dans leur chair. Le jeudi, 4 mars, dernier jour des 15 visites demandées par la Vierge, il y avait plus de 20 000 personnes devant la grotte. La montagne entière était descendue. Et cette foule immense trouvait là ce dont elle était affamée, l'aliment du divin, le festin du merveilleux, assez d'impossible pour contenter sa croyance à une puissance supérieure, daignant s'occuper des pauvres hommes, intervenant d'une façon retentissante dans les lamentables affaires d'ici-bas, afin d'y rétablir un peu de justice et de bonté. Le cri de charité céleste éclatait. La main invisible et secourable s'étendait, pensait l'éternelle plaie humaine. Ah, ce rêve que chaque génération refaisait à son tour! Avec quelle énergie indestructible il repoussait chez les déshérités, dès qu'il avait trouvé un terrain favorable, préparé par les circonstances! Et depuis des siècles peut-être, tous les faits ne s'étaient pas réunis de la sorte pour embraser, comme à Lourdes, le foyer mystique de la foi. Une religion nouvelle allait se fonder, et tout de suite les persécutions se déclarèrent, car les religions ne poussent qu'au milieu des tourments et des révoltes. Comme autrefois, à Jérusalem, lorsque le bruit se répandit que des miracles fleurissaient sous les pas du Sauveur attendu. Les autorités civiles s'émurent, le procureur impérial, le juge de paix, le maire, surtout le préfet de Tarbes. Celui-ci était justement un catholique sincère, pratiquant d'honorabilité absolue, mais une tête solide d'administrateur, passionné défenseur du bon ordre, adversaire déclaré du fanatisme, d'où naissent les émeutes et les perversions religieuses. Il y avait à Lourdes, sous ses ordres, un commissaire de police ayant le légitime désir de prouver ses dons de sagacité à droite. La lutte commença. Ce fut ce commissaire qui, le premier dimanche de carême, dès les premières visions, fit amener Bernadette devant lui pour l'interroger. Vainement, il se montra affectueux, puis emporté, menaçant, il ne tira toujours de la fillette que les mêmes réponses. L'histoire qu'elle contait, avec des détails lentement accrus, s'était peu à peu fixée dans son cerveau d'enfantine, irrévocable. Et chez cette irrégulière de l'hystérie, ce n'était pas un mensonge, c'était la hantise inconsciente, une volonté morte, qui ne pouvait se dégager de l'hallucination première. Ah, la triste enfant, la chère enfant, si douce, dès lors perdue à la vie, crucifiée par l'idée fixe, dont on n'aurait pu la tirer qu'en la changeant de milieu, en la rendant au grand air libre, dans quelque pays de plein air et d'humaine tendresse. Mais elle était l'élue, elle avait vu la Vierge, elle allait en souffrir toute l'existence, et en mourir. Pierre, qui connaissait bien Bernadette et qui gardait à sa mémoire une pitié fraternelle, la ferveur qu'on a pour une sainte humaine, une créature simple, droite et charmante dans le supplice de sa foi, laissa voir son émotion, les yeux humides, la voix tremblante. Et il y eut une interruption. Marie, qui était restée raidie jusque-là, avec sa face dure de révoltée, dénoua ses mains, eut un vague geste pitoyable. « La pauvre petite, » murmura-t-elle, « toute seule contre ces magistrats, et si innocente, si fière, si convaincue. » De tous les lits, la même sympathie souffrante montait. L'enfer de cette salle, dans sa détresse nocturne, avec son air empesté, son entassement de grabats douloureux, son fantomal va-et-vient d'hospitalières et de religieuses brisées de fatigue, semblait s'éclairer d'un éclat de divine charité. Pauvre, pauvre Bernadette! Toute s'indignait des persécutions qu'elle avait endurées pour défendre la réalité de sa vision. Alors, Pierre, reprenant, dit ce que Bernadette eut à souffrir. Après l'interrogatoire du commissaire de police, elle dut encore comparaître en la chambre du tribunal. La magistrature entière s'acharnait, voulait lui arracher une rétractation. Mais l'entêtement de son rêve était plus fort que la raison de toutes les autorités civiles réunies. Deux docteurs, envoyés par le préfet pour l'examiner, conclurent honnêtement, comme n'importe quel médecin l'aurait fait, à des troubles nerveux, dont l'asthme était une indication certaine et qui pouvait avoir déterminé des hallucinations en de certaines circonstances. Ce qui faillit la faire interner dans un hôpital de Tarbes. Pourtant, on osa l'enlever. On craignit l'exaspération populaire. Un évêque était venu s'agenouiller devant elle. Des dames voulaient lui acheter des grâces au poids de l'or. Des foules croissantes de fidèles l'accablaient de visites. Elle s'était réfugiée chez les sœurs de Nevers qui desservaient l'hospice de la ville et elle y avait fait sa première communion. Elle y apprenait difficilement à lire et à écrire. Comme la Sainte Vierge semblait ne l'avoir choisie que pour le bonheur des autres et qu'elle ne la guérissait point elle-même de son étouffement chronique, on s'était décidé sagement à la conduire aux eaux de Cauterets, si voisines, qui ne lui firent du reste aucun bien. Et dès son retour à Lourdes, le tourment des interrogatoires, des adorations de tout un peuple, recommença, s'aggrava, lui donna de plus en plus l'horreur du monde. C'était bien fini d'être la gamine joyeuse, la jeune fille rêvant d'un mari, la jeune femme baisant sur les joues de gros enfants. Elle avait vu la Vierge, elle était l'élue et la martyre. La Vierge, disaient les croyants, ne lui avait confié trois secrets, l'armant de cette triple armure, que pour la soutenir au milieu des épreuves.